Vous allez nous évoquer maintenant un souvenir de vacances qui vous est particulièrement cher, un souvenir qui est fort pour vous. Je vais pas remonter loin, c'est les dernières vacances que j'ai prises. Donc voilà, au mois de mai. Vous étiez seul pour partir en vacances? Non, on est parti. Je suis parti dans le cadre d'une association en fait. On est parti faire un voyage de reconnaissance d'une semaine au Maroc. Pourriez-vous préciser l'endroit de ces vacances au Maroc? Alors en fait, on est parti. On a fait plusieurs villes parce que le cadre, c'est le projet, c'est de faire un road trip musical et artistique l'année prochaine au Maroc. Donc on est parti faire plusieurs villes pour essayer de reconnaître des lieux qui seraient capables de nous accueillir à entre 20 et 30 personnes l'année prochaine. Donc on avait fait Casa, on a fait Rabat, et puis on a fait Marrakech aussi un peu, et puis on a fait Beni Nawel, qui est le sud de l'Atlas. Pourriez-vous éclairer aussi les conditions d'organisation du voyage, vraiment la préparation, ce que ça évoque pour vous? Oui, mais alors là, nous on est parti parce qu'on avait un ami qui vit à moitié du temps au Maroc. Donc c'était l'occasion de voilà qu'il lui-même nous fasse découvrir ce pays. Donc il nous avait préparé ce voyage à Mont en prenant des contacts avec des amis à lui. Et puis après, on lui a fait confiance, on lui a servi de guide pendant une semaine, on va dire, auprès des différentes personnes qui nous accueillent, puisqu'on a logé dans des associations et chez des amis aussi sur place. Il vous a fait connaître le lieu, c'était la première fois que vous y rendiez. Oui, dans le Maroc, oui. Oui. Parlez-nous de l'hébergement, comment cela se déroulait lors de votre voyage? Alors nous, on est parti dans une association qui fait de la résidence culturelle artistique, un peu à l'écart de la ville. Donc là, c'est un particulier qui a hérité de cette maison et qui nous a accueillis dans ce lieu. Donc c'est une grande maison qui accueille des artistes, des personnes. Donc là, on a été accueillis voilà, avec sa famille, ses parents et ses amis qui nous ont fait le repas pendant une semaine. Donc on a vécu à la marocaine. Et puis après, suite à ce premier contact, on a été ensuite sur Marrakech. Là, c'est un ami à lui qui était sur le lieu de résidence qui nous a dit, moi, je vous accueille dans la famille. Donc le hasard fait qu'on a pu aller chez lui. La durée de ce séjour? Une semaine. Une semaine. Voilà, une semaine. Vous vous étiez documenté avant de venir au Maroc, des lectures, des... Oui, un petit peu quand même pour savoir, voilà, déjà pour savoir si on n'allait pas se faire piéger par cet ami, parce qu'on le connaît un peu. Donc on a pris nos repères quand même avant de partir aussi pour s'assurer que tout allait bien se passer. Oui. Pourriez-vous revenir sur l'association, son but, son organisation? Oui, alors c'est une association, ça s'appelle La Grande Famille, c'est une association qui s'occupe de proposer des animations culturelles, artistiques auprès des publics isolés en difficulté. Y a-t-il des événements saillants lors de cette excursion au Maroc, des souvenirs particulièrement forts, des événements particuliers? Oui, il y en a plusieurs, oui. Oui, surtout, il y a eu le repas à Marrakech, on va dire, qui était le hasard. On s'est retrouvés le vendredi à Marrakech, et donc là... Amine qui nous a dit, plutôt Larsen qui nous a accueillis, nous a dit, ben voilà, si vous voulez, ma mère vous prépare le couscous pour le retour. Donc voilà, donc on a été faire de la musique sur la place principale de Marrakech. Et puis le soir, on a été accueillis par ce couscous typique de la famille, donc avec sa mère qui était là pour nous le présenter. Donc ça a été un moment très fort de partage, autant au niveau gustatif qu'au niveau rencontre avec cette femme et cette famille aussi. Donc ça a été ce type de moments très forts, autant sur le goût que sur les couleurs, au niveau de la rencontre fraternelle aussi. Au niveau culturel, vous faites partie d'un groupe de musique en fait. Oui, musicien, artiste, etc. Oui. Quel genre d'instrument pratiquez-vous? Moi, je suis aucun. Moi, je pratique aucun. Je suis plus dans la partie gestion et animation de l'association. D'accord. La gestion du son, la préparation des concerts. Plus la préparation des activités. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est autant de proposer des concerts, des jeux en bois, des ateliers d'écriture, des ateliers de cuisine. En fait, on fait ça, nous, tout le long de l'année, gratuitement. L'objectif, c'est d'amener cette culture et cet art dans des lieux, on va dire, que ça soit chez des Roms, que ça soit dans des maisons de retraite, que ça soit dans des quartiers difficiles, dans des associations malades. On est parti sur le principe que la culture n'y allait pas gratuitement. Donc, on va proposer ces activités gratuitement. Donc, cela fonctionne sur un échange au niveau des cultures, des pratiques musicales? Oui, aussi, exactement. Vous faites découvrir voilà. On crée du lien social aussi en y allant. Et puis, l'objectif, c'est de faire ça régulièrement. Et en fait, chaque année, on se prend une semaine de vacances, puisque les artistes et musiciens et autres n'ont pas spécialement les moyens de se partir en vacances. Donc chaque année, on part une semaine en vacances sur les routes. Et puis, comme on avait cet ami lui, qui vit au Maroc, on s'est dit, ben, l'année prochaine, on va faire notre road trip. On va le faire à l'étranger. Donc l'année prochaine, on organise ce voyage au Maroc. Donc c'était autant y aller pour savoir si c'était faisable d'y amener un groupe d'une vingtaine de personnes. Faisable aussi sur le plan financier, mais aussi sur le plan des structures, de dire voilà, que ça ne coûte pas cher et d'être accueilli dans des structures pour y aller à pas trop cher aussi. Donc une deuxième édition l'année prochaine. Le premier voyage au Maroc, c'était quelle année ? C'était donc là, la première année, c'était 2016. D'accord, voilà. Donc vraiment un souvenir très récent. C'est un souvenir très récent, exactement. Voilà. Très fort. Maintenant, pourriez-vous me parler de ce que ce voyage vous évoque dans votre vie ? Est-ce que c'est un souvenir qui ressurgit particulièrement tous les jours ou quelque chose, un voyage qui est vraiment un aspect particulier par rapport aux autres voyages ? Je sais que c'est un moment très fort parce que c'est que chaque fois on était 8 à partir. Je ne l'ai pas précisé au départ, donc on était un petit groupe de 8 personnes. Et c'est que chaque fois qu'on se voit et chaque fois qu'on en parle entre nous, on a le regard qui pétille et on se dit, on se dit que ça a été un moment fort d'échange, de rencontre et que ça promet d'autres grands moments aussi pour l'année prochaine aussi. Donc pour nous, c'est un moment fédérateur aussi dans la vie du groupe aussi. Et un souvenir d'autant plus fort que vous partagez ce souvenir avec d'autres personnes avec aussi. Lesquelles vous êtes vraiment très proche. Aussi, exactement. J'imagine que vous avez gardé des souvenirs matériels de ce voyage. Oui, pas spécialement, je dirais, c'est pas spécialement matériel, c'est plus des comme je dis des couleurs, des amitiés aussi parce qu'on a quand même on a rencontré des Marocains qui sont maintenant des amis aussi, qui nous ont accueillis aussi, et qu'on garde des liens aussi, et qu'on espère qu'on rencontrera l'année prochaine aussi. Donc c'est pas spécialement matériel, c'est plus du plan de la rencontre, des amitiés et des échanges. Plutôt un point de vue humain. C'est plus sur un point de vue humain, oui. Est-ce que vous envisagez, donc en dehors de la deuxième édition avec l'association au Maroc, un voyage personnel au Maroc, avec votre famille, ou pour faire découvrir à... Pour l'instant, on va dire, on va se focaliser sur la deuxième édition déjà, ça va être assez important aussi. Donc l'engagement associatif qui vous est très cher, oui. Au niveau culturel. Exactement, au niveau des échanges. Vous êtes-vous beaucoup déplacé pendant le séjour au Maroc ? Oui, on a quand même beaucoup bougé, oui. De villes parcourues, oui. On a fait pratiquement, je ne sais plus, mais c'est qu'on a... On a tous les deux jours pratiquement, on allait de ville en ville, donc voilà. Voilà. C'est un peu abrupt la fin. C'est pas vraiment fini, c'est à 8 Aïe. Minutes. Ça fait rien, c'est pas grave. Ah, j'ai pris c'est pour à 8 la... minutes, du coup c'est juste pour vous préparer à clore l'entretien. D'accord. Hein, et puis après je vous fais hop, temps mort quand c'est terminé. Finalement, ça va être un peu abrupt la fin. Rien, ça va finir sur... Allez, 10 minutes de pause. Ah. Et ça, je sauvegarde ce que vous venez de faire et après, on passe les suivants. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir de faire ça en entretien, c'est-à-dire qu'on a prévu de voir la personne...